voler cet argent, ceux qui en font nous en violent et crever les hommes politiques. Tu verras, ce sera magique. Plus personne pour nous gouverner. Imaginez le mot respect écrit en lettres capitales au beau milieu de leurs épreuves.